Bien bonjour tout le monde, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro, toujours un plaisir d'être là. Bien entendu, comme à chaque semaine, à vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne d'un bout à l'autre du pays avec bien sûr de la nouveauté et des chansons qu'on a déjà entendues. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai entre autres Grand Dérangement, j'ai Jacques Surette, Joseph Edgar, l'album La Semaine, les Sales Barbes live au pied perdu du côté des îles de la Madeleine. On va entendre entre autres aussi du Jeannie René, 33 Barrettes, D-Tracks, j'ai aussi Cervantes en instrumental, Pierre Sabourin, Loïc Morin et Kelly Badeau entre autres du côté de l'Ouest canadien. Bref, laissez-moi vous dire que j'ai une très bonne émission pour vous et ça commence dans quelques instants avec le bloc des Maritimes. Bonjour, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes. Et comme à l'habitude, permettez-moi le temps de remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne d'un bout à l'autre du pays. Merci à Vanessa Isabelle de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador. Il y a CKJM, Chétican, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté Timcoe de la région de Barrie en Ontario. Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CILS Victoria, Colombie-Britannique, CIVR Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission et bien entendu, si vous avez des commentaires, des suggestions ou même des contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental, ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock, eh bien laissez-moi leurs coordonnées à canrockcdn@gmail.com. Allons-y, bien sûr, avec le début de l'émission, le bloc des Maritimes. Il y a bien entendu l'album Sirène et Matelot qui vient d'être lancé tout récemment. Donc on a plusieurs chansons de très intéressantes sur cet album-là. Sirène et Matelot, c'est tout simplement Lenny Galland et Patricia Richard de l'île du Prince-Édouard. Et on va entendre la pièce En Way, très intéressant. Nouveauté aussi, on va entendre Le Temps qui s'en va de Jacques Surette. J'ai reçu ça cette semaine. Merci beaucoup à Mme Carole Doucet de m'avoir envoyé ce produit-là. Et on va faire tourner ça avec grand plaisir. Mais on commence en souvenir, hein, comme à l'habitude, pour les 25 ans, on joue une chanson souvenir. Adèle, Grand Dérangement à l'instant même. Adèle, Adèle, comme tu ensorcelles les hommes du monde entier, tombe à tes pieds. Je sens que je perds mon Adèle, pourtant je voudrais m'occuper d'elle. Mais Adèle a d'autres plans, je pense qu'elle veut ficher le camp. Paraît-il, on l'a vu embrasser Gilles. Gilles, c'était mon meilleur ami, mais rien n'est pour la vie. Adèle, Adèle, comme tu ensorcelles les hommes du monde entier, tombe à tes pieds. Adèle, pourtant je voudrais m'occuper d'elle. Mais Adèle a d'autres plans, je pense qu'elle veut ficher le camp. dans un bar au petit ruisseau. Marie l'a vu avec Léo. Comment peut-elle m'oublier? Pourquoi toujours me faire brailler? Adèle, Adèle, comme tu ensorcelles les hommes du monde entier tombent à tes pieds. Adèle, Adèle, comme tu ensorcelles les hommes du monde entier. D'elle. Mais Adèle a d'autres plans, je pense qu'elle veut ficher le camp. T'as beaucoup timé avec Lise quand t'as passé pointe de l'église. Adèle, quand vas-tu t'arrêter, commencer à te radoucir? Adèle, Adèle, comme tu ensorcelles les hommes du monde entier tombent à tes pieds. Adèle, comme tu ensorcelles les hommes du monde entier. Comme un éclat d'une étincelle, dans jusqu'au point. genoux à remercier pour les couleurs de l'arc-en-ciel, tricotées d'une seule ficelle, filet de tristesse et des joies du monde. Dans jusqu'au point de tomber sur tes genoux à ramasser pour les couleurs de l'arc-en-ciel, tricotées d'une seule ficelle, filet de tristesse et de joie du monde. Ah ouais, ah ouais. À ta vie, et jusque t'es rendu, et jusque t'es parti. Tu te souviendras, où tu serais pas, mais je vois le vent qui s'enlève, et le temps qui s'en va. Tard dans la nuit, j'entends le tibou, il chante la même chanson et il chante comme un fou. Oui, en bas de la baie, oh oui, oh oui, je vois le vent qui s'enlève et le temps qui s'en va. Après nuit, je m'assis puis je pense qu'est-ce qui me donne la peine, ça fait une différence. Ça me donne du pouvoir comme la reine ou le roi. Je vois le vent qui s'enlève et le temps qui s'en va. Le soleil se couche sur le bord de la rivière, une grenouille qu'attrape des mouches. Droite sur le bord de l'eau, oh boy, il faisait beau. Je vois le vent qui s'enlève et le temps qui s'en va. On va poursuivre avec Chloé Brault qui, elle, se promène toute l'automne en Acadie et ira même faire un tour du côté de l'Ouest pour le Contact Ouest. Donc, on va entendre la pièce Ouest de Chloé Brault, justement. Et on va entendre Épouvantail de M. Joseph Edgar, le documentaire sur la musique acadienne dont il faisait partie, a été primé du côté de Los Angeles. C'est un documentaire de Phil Como. Faire réveiller partir prendre l'avion. West, amène le pas loin là-bas. West, amène le pas loin là-bas. Thank you. crush la matcha, brin de foin. Souffle doucement, poussant la petite flamme à pognée. Petit épouvantail, il faut qu'il brûle. Tombera-t-il, tombera-t-il pas? Allumera-t-il avec juste une marche de bois? Tombera-t-il, tombera-t-il pas? Chanson de leur album Quatrième Dimension, Laisse-le pas te laisser. Excellente chanson, bien sûr. La semaine prochaine, là, aux alentours de la mi-septembre, ils se retrouveront du côté des États-Unis, à Nashville plus précisément. Ils vont participer au Americana Fest. Donc, ils vont avoir quelques vitrines là-bas, sûrement rencontrer des gens, se faire des contacts. Donc, j'ai bien hâte d'entendre ça. J'ai surtout hâte d'entendre le fruit du troisième album qui doit être en train de se préparer tranquillement, pas vite, là. On va terminer ça, si vous voulez bien, avec Pierre Guitard tiré de son premier album, une chanson que j'adore énormément. Ça s'appelle « L'amour est gone ». Surveillez ce gars-là, très talentueux, Pierre Guitard. Deviens donc quelqu'un. Depuis longtemps, fais-toi donc conteuse. Viens me conter des meurtres qui me font jouer. danseuse.